Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Études, essais, romans, essais, études, romans, essais. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été à une recherche en marche, en compagnie d'Antoine Compagnon. Meryl Moneghetti. Qui ne se souvient comme moi, écrit Marcel Proust dès 1906, de ses lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher, trois points de suspension. Mais au fond, que gardons-nous de ces lectures passionnées de jeunesse ? Le souvenir des livres ou l'espoir, note l'écrivain, de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus ? À quelle thèse paradoxale le futur auteur de la fresque « À la recherche du temps perdu » nous confronte-t-il avec son célèbre texte intitulé « Sur la lecture » ? Alors que nous côtoyons depuis plusieurs cours un Marcel Proust déchiré entre le côté études critiques et le côté roman, ce texte de 1906 est-il le prototype de l'essayisme proustien ? Demande Antoine Compagnon, titulaire de la chaire littérature française moderne et contemporaine. Quel procès fait Marcel Proust, lecteur admiratif de Ralph Waldo Emerson, à l'amitié et à la conversation ? Comment Proust en arrive-t-il à dénoncer l'imitation, l'érudition et l'idolâtrie comme danger de la lecture ? Nous retrouvons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Antoine Compagnon le 12 février 2019. Aujourd'hui, en quoi le texte sur la lecture est-il bien un petit essai ? Aujourd'hui, je voudrais vous parler des essais de jeunesse de Proust. Qu'est-ce qu'un essai de jeunesse pour Proust ? Autrement dit, avant la recherche du temps perdu, avant l'essai dans le roman, avant le roman essayiste. La question qui est posée, c'est donc celle-ci. Quand Proust devint-il essayiste ? Pratiqua-t-il l'essai avant le roman ? Eut-il une tentation essayiste ? Et lorsqu'on parcourt la table des matières des première publication de Proust, on peut noter un certain nombre de textes qui, me semble-t-il, sont plutôt des articles, des chroniques, des causeries, des impressions, mais j'aurais beaucoup de mal à les qualifier d'essais. L'essayisme, c'est la thèse ou l'hypothèse que je voudrais mettre à l'épreuve avec vous aujourd'hui, l'essayisme commence avec « Sur la lecture ». C'est-à-dire la préface de Sésame et Lélis, qui a été publiée d'abord en prépublication dans la Renaissance latine le 15 juin 1905, et puis avec la traduction de Sésame et Lélis comme préface en mai 1906. Puis c'est un texte qui est recueilli, il y a une confusion des titres, puisqu'il s'appelle « Journée de lecture dans Pastiches et mélanges » en 1919. Il me semble que on peut véritablement qualifier ce texte d'essai, c'est ce que je voudrais mettre à l'épreuve avec vous, et qu'il y a une sorte de tentation essayiste ou de tournant essayiste, et que ce tournant essayiste est confirmé par les articles que Proust publie dans Le Figaro en 1907. Entre les deux, bien sûr, entre « Sur la lecture » et les articles de 1907, il y a la mort de Madame Proust et le deuil, donc une période d'interruption. Alors ces quelques articles qui suivent en 1907, eh bien qui sont là aussi, me semble-t-il, essayistes, j'en retiendrai trois, qui marquent véritablement ce moment, cette année de 1907, cette année de reprise de l'écriture après le deuil. Il y a d'abord « Sentiments filiaux d'un parricide », publié dans Le Figaro le 1er février 1907. C'est une commande de Gaston Calmette sur le parricide d'un jeune homme que Proust avait connu et qui appartenait à cette bourgeoisie parisienne. Et puis, vient ensuite, le 20 mars 1907, dans le Figaro, journée de lecture. Confusion des titres, puisque journée de lecture, ce qui est publié dans Le Figaro sous ce titre, c'est le compte-rendu des mémoires de Madame de Boigne. Texte très important pour Proust. On y trouve, par exemple, ces fameuses demoiselles du téléphone qui reviendront dans le roman. Et ce texte était beaucoup trop long pour le Figaro. Et les pages qui ont été retranchées seront plus tard, elles aussi, insérées dans le roman. Donc on voit déjà apparaître ce va-et-vient entre des pages essayistiques publiées dans le Figaro et puis ce qui pourra se retrouver dans le roman. Et puis, dernier article de 1907, « Les impressions de route en automobile », texte très important, puisque c'est celui que le narrateur écrira à la fin de Combray, lorsqu'il est dans la voiture du docteur Percepied. L'auteur attribue au narrateur enfant un texte qu'il a publié adulte en 1907. Il se retrouvera, lui aussi, dans « Pastiches et mélanges ». Alors, ce qui est important, en effet, ce que nous constatons, c'est que ces textes essayistiques, eh bien, Proust les retiendra pour « Pastiches et mélanges » en 1919, ce qui marque aussi qu'ils ont quelque chose en commun sur la lecture, « Sentiments filiaux d'un parricide », « Impression de route en automobile » figureront dans « Pastiches et mélanges ». Il me semble qu'ils ont des traits communs. Mais sur la lecture, la préface de Sésame et l'Hélice, pour commencer, c'est un peu le germe, le grain de sésame. On y trouve la première personne massivement présente. On y trouve des souvenirs. On y trouve le scepticisme traditionnellement associé à l'essai. On y trouve la mobilité liée au genre, le mouvement. On y trouve, je crois, la fantaisie et l'humorisme que j'avais liés à cette tradition de l'essai anglais. Humorisme et fantaisie. Il me semble qu'on trouve dans, sur la lecture à peu près tous ces composants de l'essayisme, et j'ai envie de dire pour la première fois. Le « je » qui figurait dans la préface de la Bible d'Amiens, ce n'était pas le même. C'était encore un « je » qu'on pourrait qualifier d'auteur, un « je » de régie. La préface de la Bible d'Amiens commence ainsi « Je donne ici une traduction de la Bible d'Amiens ». Ce n'est pas du tout le même « je » que l'on trouve en tête de sur la lecture, après un « nous » de transition. Vous vous souvenez de ce début sur la lecture, hein ? Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Hein ? La multiplication de ces « nous » dans la première phrase, et puis le passage au « moi », qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Vous voyez que l'embrayage est tout différent de celui de la Bible d'Amiens, avec ses « nous », ce « moi » et ce « on », et puis ensuite les pages vont verser dans les souvenirs. On peut donc dire que ce texte sur la lecture sert de, j'ai envie de dire, c'est une sorte de relais ou de passage entre Jean Santeuil et contre Sainte-Beuve. Et dans, sur la lecture, dans cette préface de Sésame et l'Hélice, hein, je ne suis pas le seul à le dire, on a souvent rappelé qu'on y trouvait, au fond, presque toute la recherche du temps perdu en puissance. On y trouve Combray avec les descriptions du village et de l'enfance, et on y trouve le temps retrouvé à la fin de sur la lecture. Il y a le grand arc de Combray au temps retrouvé est en somme déjà ébauché dans sur la lecture sous la forme de l'essai. Et je crois qu'on y trouve aussi, ce qui est très frappant, toute la théorie littéraire proustienne. Elle est là, cette théorie. Et peut-être qu'elle est, encore à l'état naissant, elle n'est pas complètement formée, mais les rudiments, on peut les trouver. La dénonciation de la philologie et de l'idolâtrie. Les premières traces de la campagne contre Sainte-Beuve, qui se développera quelques années plus tard. La notion de phrase type qui apparaîtra et qui sera longuement développée dans La Prisonnière. Un écrivain, c'est une phrase type. J'y reviendrai. C'est toujours la même phrase. Un écrivain est l'auteur d'une seule œuvre. C'est là, déjà. Ou encore la réflexion sur l'unité rétrospective. C'est arrivé au bout que l'on peut voir l'unité d'une œuvre qui a été faite. Tout ça, ça reviendra dans les grandes pages qu'on pourrait qualifier d'essayistes de La Prisonnière et de la conversation avec Albertine. Bref, tous ces germes essentiels de la recherche du temps perdu sont là. C'est donc un texte très important que ce sur la lecture. Proust y a beaucoup travaillé. Il a pris des notes pour la préface et pour les notes de la traduction, car nous ne pouvons pas oublier que cette traduction est accompagnée de longues notes en bas de page, de longs commentaires qui sont eux-mêmes parfois des ébauches d'articles. Proust y a donc travaillé beaucoup à ses commentaires, à ses notes, tandis que la traduction se poursuivait. Il écrit en février 1904, vous voyez que c'est 2 ans avant la publication de Sésame et Lys, en février 1904, il écrit à Marie Nordlinger, avec qui il travaille à cette traduction, « Excusez-moi, excusez-moi, voilà la phrase, j'ai travaillé comme un nègre à Sésame. » On ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Mais admettons que Proust parla encore ainsi. Et il écrit à son ami qu'il vient de refaire le premier cahier de la traduction et qu'il a écrit le commentaire de ce premier cahier, commentaire destiné à servir soit de préface, soit de note. Vous voyez qu'en même temps qu'il fait cette traduction, qu'il refait cette traduction de Sésame et Lys, les deux conférences de Ruskin, il travaille à ce commentaire qui sera soit dans la préface, soit dans les notes, je vous ai dit, notes abondantes et divergentes par rapport au texte. Durant l'été de 1904, il lit Maeterlinck, Le double jardin, qui vient de paraître au mois de juin 1904, et il y fait allusion. Maeterlinck est si important que l'année suivante, en mars 1905, il emprunte à son ami Georges Delauris 2 ouvrages de Maeterlinck, La sagesse et la destinée, et surtout La vie des abeilles, cette vie des abeilles qui, avec l'intelligence des fleurs, comptera tellement pour Proust. Il emprunte La vie des abeilles, les mémoires de Stuart Mill et Adam Bede de George Eliot. Et vous vous rappelez ce que je vous disais la dernière fois de cette note très importante de Sésame et les Lys sur Stuart Mill, Taine et George Eliot. Le texte de Taine sur la flânerie qu'il opposait à la lecture utilitaire de Ruskin ou de Stuart Mill et qu'il associait à l'éloge du loisir, de l'oisiveté chez Eliot. Vous voyez, ça donne quelque chose d'important dans le texte que cet éloge de la lecture comme flânerie. Et puis, dans Sésame et Lys, il y a une très très longue note sur Maeterlinck. Et pendant très longtemps, Proust dira qu'il ébauche un article sur Maeterlinck. Cette note de Sésame et les Lys étant probablement l'ébauche de ce véritable article sur Maeterlinck. La publication dans La Renaissance latine, en juin 1905, de ce texte, n'oublions pas qu'elle a lieu encore du vivant de Madame Proust. Autrement dit, on pourrait sans doute soutenir que le tournant, si véritablement il s'agit d'un tournant essentiel dans l'écriture de Proust, on peut soutenir que le tournant était déjà pris avant sa mort. Et faire l'hypothèse que la mort de Madame Proust et le deuil qui suit entraîna un retard dans le chantier de la suite contre Sainte-Beuve et la recherche du temps perdu, mais au fond que l'inflexion était déjà prise, que la révélation avait déjà eu lieu vers cette tierce forme qui sera celle du contre Sainte-Beuve, puis de la recherche. J'aimerais bien pouvoir soutenir que le roman, au fond, était déjà enclenché avant la mort de Madame Proust, alors que certains disent qu'il n'était pas possible avant. Il me semble qu'il était déjà là. On peut ajouter que Proust témoigne d'un très fort investissement dans ses pages. Ses pages de Sur la lecture comptent manifestement beaucoup pour lui. Il écrit à son ami Georges Deloris avant la publication, et vous vous rappelez que Georges Deloris sera son conseiller régulier dans l'écriture du Contre Sainte-Beuve. C'est lui qu'il consultera, c'est auprès de lui qu'il continuera pendant longtemps à parler de ce Contre Sainte-Beuve. Il lui écrit en juin 1905, avant la publication de cet article dans la Renaissance latine, « Mon article va bientôt paraître. Je vous l'enverrai aussitôt, puisque vous avez été si bon de donner vos conseils sur des parties. » Il me semble qu'il y a là un élément intéressant, c'est celui de cette continuité entre l'interlocuteur qui a lu sur la lecture avant publication et celui du Contre Sainte-Beuve, l'interlocuteur le plus régulier du Contre Sainte-Beuve. En mai 1905, Proust écrit à son ami Robert Dreyfus. Robert Dreyfus, c'est l'un de ses plus anciens amis du lycée, qui est rédacteur au Figaro. Ils ont des rapports très réguliers dans cette époque. Il lui écrit « Ayant terminé un article pour la Renaissance latine, 15 juin, que je t'enverrai quand il sera paru, fort égoïstement, pour que tu le corriges et me dises ton avis. » Proust écrit à plusieurs de ses amis lorsque ce texte est publié, en demandant leur appréciation et leur correction, ce qui, encore une fois, à mes yeux, atteste la grande importance qu'il accorde à ce texte. À Fernand Greg, à la même date, c'est encore plus précis. Autre ami très proche durant cette période, avec qui la correspondance est abondante, « Tu sais la confiance presque unique que j'ai dans ton goût et j'aimerais que sans gentillesse aucune, ce qui serait peu gentil, tu me dises exactement où j'en suis. S'il y a progrès ou recul sur les plaisirs et les jours et la Bible d'Amiens. » C'est très important. Est-ce que c'est mieux ou moins bien, cette voie que j'emprunte là, que les plaisirs et les jours et la Bible d'Amiens. Et d'autre part, ses relations avec les autres choses de moi. Comment cela est en soi? Oui, des questions très précises. Évaluer ce texte par rapport à sa production antérieure et aussi lui donner une valeur en soi. Il poursuit, « Je voudrais une note, entre guillemets, comme au collège. Et si ce n'était pas abusé de toi, des corrections en marge. » Corrections en marge, notes, ça nous renvoie aux années de collège. Ce sont des camarades de cette période que Dreyfus et Greg. Alors le malheur, c'est que Fernand Greg n'ouvrira jamais la lettre et ne répondra pas. En revanche, Reynaldo Hahn a bien fait des observations sur un jeu d'épreuves que Proust lui a donné, et Reynaldo Hahn a annoté ces épreuves, et on a un jeu d'épreuves avec les observations de Reynaldo Hahn dans le fond de la Bibliothèque nationale. Ce sont des interventions très intéressantes de Reynaldo Hahn, dont Proust a tenu compte un an après, lors de la nouvelle publication, avec la traduction de Ruskin. Et en tête de ce jeu d'épreuves, Reynaldo Hahn écrit « Vous avez dit de mettre en marge observation, je l'ai fait, voilà. » À tous ses amis, il demande la même chose, les corrections en marge et des observations. Et Proust, je le répète, en tiendra compte. Il demande aussi des avis sur sa langue, puisque en particulier ce qu'on découvre sur la lecture, ce sont des phrases très longues, surtout dans la première partie de ses souvenirs, qui anticipent les souvenirs de Combray. Et il écrit à son amie Madame Strauss, en mai 1905, au moment où ce texte est sous presse. Madame Strauss, je vous rappelle, la veuve de Bizet, Geneviève à Lévis. « Quelle rédaction merveilleuse vous avez. Pendant que je faisais cette chose qui sera dans la Renaissance latine de juin, je me disais tout le temps, « Ah, si je pouvais écrire comme Madame Strauss !» Et je me le disais bien profondément, je vous assure, avec un regret intense de toute cette clarté, de ce bel équilibre délicieux qui enchante dans vos phrases. Voilà ce dont rêve Proust. Et puis un peu plus tard, une fois que le texte est publié, au début de juillet 1905, il écrit à son ami Robert Dreyfus. Robert Dreyfus lui a accusé réception de l'article et a dit qu'il l'admirait. Et Proust lui répond « Tu es bien gentil pour la lecture. » Lecture, c'est cet article. « C'est l'article que je voulais t'envoyer. Puis, quand il a été paru, il m'a tellement dégoûté que je n'ai plus osé. » Donc il avait écrit une lettre annonçant l'article et demandant les notes, puis il ne l'a pas envoyé, il m'a tellement dégoûté que je n'ai plus osé. J'ai pensé que toi, qui sais dire tant de choses en une demi-ligne, ces phrases qui en ont une centaine, t'exaspéreraient. Ah, comme j'aimerais savoir écrire comme Madame Strauss. Mais je suis bien obligé de trier ces longues soies comme je les file. On va voir d'où vient cette image. Et si j'abrégeais mes phrases, cela ferait des petits morceaux de phrases, pas des phrases. Donc il voudrait écrire comme Madame Strauss, mais il sait que, au fond, c'est pas son genre. Ça ne serait que des morceaux de phrases. Mais nous voyons aussi le témoignage de cette ambivalence. Il annonce l'article, puis il ne l'envoie pas. Les lecteurs sur la lecture ne s'y sont pas trompés. Cet article a fait de l'effet, incontestablement. D'abord sur les proches, et on a une lettre d'Anna de Noailles. Bon, cette lettre date du 19 juin 1905, donc l'article vient tout juste d'être publié, 15 juin 1905, mais n'oublions pas que la Renaissance latine, c'est la revue dirigée par son frère, Constantin de Brancovent, donc elle est bien placée pour l'avoir juste à temps. Et ajoutons, ce qui n'est pas indifférent, que c'est le dernier numéro de cette revue. Toutes les revues sont éphémères, et celle-ci, comme les autres. Anna de Noailles lui écrit, donc, dès qu'elle a lu ce texte, « Je ne vois que des gens éblouis, attendris, touchés, perfectionnés par les chères divines pages que vous avez écrites. On cite cela et tout. Avec Bonnier et Régnier, nous nous passions et nous décrivions ensemble ces soies adorables. » Voilà d'où viennent les soies. Ces soies que Proust trie et file, ces longues soies. C'était une image d'Anna de Noailles, ces soies adorables. Je vous remercie de chaque ligne de ces pages comme d'un bonheur parfait et tendre. Il écrit aussitôt, après, à son ami Georges Deloris, « Je suis tout étonné d'apprendre par Madame de Noailles et son groupe, Bonnier-Régnier, que j'ai écrit là quelque chose d'admirable et de sublime. Et la vérité est qu'hélas, je n'en crois rien. » Un peu plus tard, Jacques-Émile Blanche, autre ami, lui écrit en septembre 1905 à propos de son article « Un professeur de beauté » sur Montesquieu qui vient d'être publié. « Votre article est fort joli, de même que celui sur la lecture, dont Maeterlinck me charge aussi de vous faire tous ses compliments. » Maeterlinck qui l'a lu également. L'article de la Renaissance latine suscite un très long article de Bonnier dans le Figaro du 19 juin 1905 à la rubrique « Journaux et revues ». Bonnier, j'en ai parlé un peu déjà, hein, c'était le critique du Figaro, le critique de la rubrique « Revue des journaux », proche de Gaston Calmette, le directeur depuis 1902. André Bonnier est un critique qui est assez proche de Proust, et vous voyez qu'il appartient au milieu d'Anna de Noailles. Bon, il écrit sur des sujets voisins de Proust, il écrit sur Chateaubriand et ses ennemis, il écrit sur Sainte-Beuve. Eh bien, il consacre deux colonnes, même je crois trois, dans le Figaro à ce simple article de la Renaissance latine, revue éphémère. Voici par exemple ce qu'il dit. En attendant la publication de la traduction de Ruskin, M. Proust publie dans la Renaissance latine une étude que lui a suggéré l'essai ruskinien. Ce qu'il veut démontrer, c'est qu'à son avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin, autant dire qu'il est avec son auteur en bisbille. La thèse de Proust qui contredit Ruskin. Son étude est charmante, émouvante, en plusieurs endroits merveilleuse. J'aime qu'elle nous induise, quoi que nous pensions d'abord, à conclure de toute autre façon qu'il ne nous y engage. Car le dogmatiste a bien son objet, et dans l'existence que nous combinent les destinées, mais l'incertitude aussi, et Royer Collard disait avec effroi qu'on ne fait pas au scepticisme sa part. Faisons la sienne à l'intrépidité du jugement, bornons à peu d'arpents intellectuels ces désastres. Vous voyez cette référence à Royer Collard, penseur doctrinaire auquel Sainte-Beuve consacre tant d'importance, hein, maître de Sainte-Beuve, et à cette formule de Royer Collard si célèbre, on ne fait pas au scepticisme sa part. Citation qu'on trouve un peu partout. Et cet éloge du scepticisme. Ainsi, M. Proust est amené à nous conter son enfance liseuse. Et voilà toute la thèse proustienne résumée par Bonnier. Ce qu'il lisait n'importe guère, il note qu'on oublie les choses lues, non les jours et les minutes que ses lectures ont marquées. Ses livres d'autrefois sont, dit-il, et bien joliment, les seuls calendriers des jours enfuis, avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Je lui sais gré de cette petite phrase, et je la déteste autant qu'elle me plaît, comme une source de mélancolie qui désormais est là. Il faudra, bonne hygiène, relire un peu d'Emerson. Pour chasser ce bruit de passé, cette odeur de passé, ce paysage de passé, et pour apprendre à détacher absolument des vieilles heures l'heure présente, la seule. Donc reconnaissance de ces pages et en même temps distance. Et puis Bonnier fait de très longues citations de Proust, de l'article de la Renaissance latine, de ses souvenirs de lecture en vacances, donc surtout de la première partie de l'article, de cette chambre campagnarde, avec tous ces bibelots peu conformes à l'esthétique de William Morris, évoqué dans ces pages, cette chambre pleine de choses inutiles, et voilà la chute de l'article, etc. Car la place me manque. Ces choses inutiles qui encombrent la chambre et qui encombrent les souvenirs ont cet agrément de ne sembler pas être là pour vous, mais pour elles, parce que c'est leur prédilection d'être là. Elles ont cet air d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent dans les clairières, les arbres et au bord du chemin ou sur les vieux murs, les fleurs. Voilà du Maeterlinck. Ces longues phrases, ces soies d'Anna de Noailles, encombrées de tous les détails et de toutes les circonstances, ont un charme étrange et délicieux. C'est la méticuleuse vérité qui le leur donne et elles inquiètent à cause de ce cas de terrible, la moindre vérité tout à fait vraie. Bon, très long article du Figaro. Et l'année suivante, lorsque ces Amé Lélis est publié au Mercure de France, avec cette préface, nouvel article de Bonnier qui récidive, et c'est assez extraordinaire, deux colonnes en première page du Figaro, le 14 juin 1906. Ce n'est pas rien pour cette publication, et je la citais, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, lorsque Bonnier écrit « Il lit Ruskin un peu comme Montaigne lisait Plutarque. Il essaye, au contact d'une autre pensée, sa pensée. » Donc c'est une page qui est l'une de ses premières associations entre Proust et Montaigne. Et puis voilà comment ça se poursuit dans ce passage intéressant. Pour établir cette thèse aimable et mélancolique, et on a toujours cette association du mélancolique et du charmant, M. Proust évoque ses lectures d'enfance, les beaux livres lus sous les noisetiers et les aubépines, dans l'odeur des sainfoins et des trèfles, auprès d'une grande tante un peu bavarde et bien aimée, ou bien au coin du feu, c'est la salle à manger, la servante va et vient, met le couvert et vous importune avec politesse, ou bien devant la fenêtre, un rayon de soleil, une abeille vous interrompt. Alors cette comparaison avec Montaigne, je vous ai dit qu'elle était reprise par la suite, mais elle est reprise, une de ces reprises m'avait manqué lorsque je l'évoquais, et c'est probablement la plus intéressante, c'est dans le journal Le Temps, où dans le temps, on cite Le Figaro plutôt que le texte de Proust lui-même. Voilà le compte-rendu du Temps, le 24 août 1906, Sésame et Lélis. C'est un véritable essai sur la lecture, mêlé des fragments de la plus touchante autobiographie. Si on pense au titre lui-même de cette préface, sur la lecture, eh bien, c'est un titre qui conviendrait parfaitement aux essais de Montaigne. Dans les essais, nous avons un chapitre qui s'appelle « Des livres » et qui porte sur la lecture. Nous avons un chapitre qui s'appelle « Des trois commerces » et dont le sujet est quasi celui de « Sur la lecture » puisqu'il s'agit de comparer l'amour, l'amitié et la lecture. Voici les trois commerces. Et le texte de Proust, après Ruskin, est une comparaison de la lecture et de l'amitié. Et puis, on a ce chapitre qui est intitulé « Sur des vers de Virgile », au troisième livre des essais. Donc le « sur », le « de », ce sont bien des titres qui nous rappellent les essais. Et la forme de l'essai est observé avec ce que je qualifiais de mouvement, d'ouverture et de scepticisme. Et je disais que les lecteurs ne s'y sont pas trompés sur la qualité et l'importance de ce texte en 1905 et 1906, et je crois qu'ils ne se trompent toujours pas sur l'originalité de ce texte, puisque c'est l'un des rares textes de Proust qui sont si souvent publiés et republiés de manière autonome. Il y a de nombreuses éditions séparées de sur la lecture qui, me semble-t-il, sert à beaucoup de nouveaux lecteurs de Proust, d'introduction à la recherche du temps perdu. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, Proust essayiste, aujourd'hui sur la lecture. Alors je ne sais pas s'ils lisent plus attentivement la première moitié du texte ou la seconde, puisqu'elles sont de longueur, disons, équivalente. La première est un peu plus courte. La première qui est consacrée aux souvenirs et la seconde qui est consacrée à la discussion avec Raskin et à la théorie de la lecture selon Proust. Il n'y a pas, peut-être, de jours de notre enfance, c'est le début, que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré, tout ce qui semblait-il les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant. Voilà l'ami, première mention de l'amitié dans le texte. Tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait, au contraire, en nous, un souvenir tellement doux que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, etc. Voilà cette thèse paradoxale par laquelle le texte s'ouvre, thèse paradoxale qui consiste à soutenir que ce sont les importunités de la lecture, les obstacles à la lecture, les dérangements de la lecture dont on se souvient, qui restent comme des souvenirs émouvants, tandis que les livres eux-mêmes, l'intrigue, le contenu, sont oubliés. Et voilà donc toute cette première partie sur laquelle je resterai très bref, parce que c'est surtout à la seconde que je voudrais venir, qui est en somme une première version de Combray. Et puis voici la transition. Avant d'essayer de montrer au seuil des trésors des rois, la conférence de Raskin, pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer le rôle prépondérant que lui assigne Raskin dans ce petit ouvrage, je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Sans doute, je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle, que ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Et c'est ainsi que la préface contredit ou démolit la thèse de Raskin. Cette thèse de Raskin qui assimile la lecture à une conversation avec les plus sages des hommes, plus intéressants que ceux que nous pouvons rencontrer autour de nous. Et là aussi, on peut faire valoir que cette démarche, ce sera celle du Contre Sainte-Beuve, où on a l'illustration avant la thèse, l'exemple avant l'argumentation. Et c'est ça qui est, au fond, une trouvaille décisive, de faire précéder la théorie du récit ou de l'exemple. Et même si cela revient à transformer l'interlocuteur, le traducteur ou Sainte-Beuve dans le Contre Sainte-Beuve, plutôt en homme de paille, puisque voici la suite de cette transition. J'ai essayé de montrer, avec une redite, dans les notes dont j'ai accompagné ce volume, que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation. Fût-ce avec le plus sage des hommes, que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. Bref, ce qui est essentiel dans la lecture, c'est la solitude, la lecture au rebours de la conversation consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul. Donc c'est ce qui contredit Ruskin, mais on pourrait ajouter que c'est un peu factice, puisque Ruskin parlait d'une conversation solitaire avec le livre. Et bien sûr, on peut aussi faire valoir que Proust n'avait pas toujours soutenu cette thèse, puisqu'on pouvait lire dans Jean Santeuil une comparaison entre la lecture et l'amitié. Plus convenu, donc. Si vous trouviez dans la chambre d'hôtel de votre aubergiste, dans une province éloignée, les poésies d'Alfred de Vigny, les essais d'Emerson et Le Rouge et le Noir, ne vous sentiriez-vous pas comme en présence d'un ami plein de vous-même avec qui vous auriez envie de converser? Il faut ajouter que dans Jean Santeuil, c'est un passage un peu curieux, puisqu'il s'agit d'une comparaison au moment où Jean Santeuil se rend, c'est l'anticipation de Dansières, dans un bureau du régiment avec Henri de Réveillon, et qui tombe sur un caporal Fourier, qui est un grand garçon maigre et maladif, qui les accueille avec une phrase charmante. Donc c'est ce grand garçon à l'air si bon, maigre et maladif, qui fait penser à un livre, à Emerson, à Vigny et au Rouge et le Noir. Maintenant, au contraire, Proust reprend les critiques de l'amitié faites par Emerson, et on a là ce début du procès de l'amitié et de la conversation qui reviendra dans la condamnation de la causerie de Sainte-Beuve. En aucun temps, Sainte-Beuve ne semble avoir compris que ce qu'il y a de particulier dans l'inspiration et le travail littéraire est ce qui le différencie entièrement des occupations des autres hommes et des autres occupations de l'écrivain. Il ne faisait pas de démarcation entre l'occupation littéraire ou dans la solitude, faisant taire ces paroles qui sont aux autres autant qu'à nous, avec lesquelles même seuls nous jugeons les choses sans être nous-mêmes, nous nous remettons face à face avec nous-mêmes, nous tâchons d'entendre et de rendre le son vrai de notre cœur et la conversation. Donc l'occupation littéraire, l'inspiration et le travail littéraire, c'est tout différent de ce doux commerce de la conversation entre amis. Bon, là aussi, c'est un peu un mauvais procès que Proust fait à Sainte-Beuve, puisque Sainte-Beuve lui-même désignait cette période de conversation et de doux commerce comme celle de sa jeunesse, avant qu'il se jette dans les lundis et qu'il vive en solitaire. La conversation, c'est le mode de l'expression de l'amitié, dira encore Proust dans Les jeunes filles. Conversation et amitié sont inséparables et au fond sont un divertissement par rapport au travail solitaire de la lecture et de l'écriture. Et Proust insiste sur le caractère superficiel de la conversation et de l'amitié, alors que le travail de la lecture et de la création, c'est un travail en profondeur. Et c'est pourquoi je placerai sans doute l'amour encore au-delà, puisque c'est l'amour qui fait atteindre à la plus grande profondeur. Suite, dans l'article, une analyse des dangers de la lecture. Alors là aussi, c'est très contradictoire avec un texte de Ruskin qui encourage à la lecture édifiante, à la lecture pédagogique. Tout le texte de Proust consiste à analyser les dangers, les illusions, les perversions de la lecture qui se substituent à la vie spirituelle, qui divertit de la vie spirituelle. Et on a là, au fond, tout un thème qui n'est pas propre à Proust, un thème d'époque, c'est celui de l'intoxication littéraire, une grande grand lieu commun de la fin du XIXe siècle, depuis Madame Bovary, qui meurt de la lecture, jusqu'au disciple de Paul Bourget, sur un crime commis en raison des livres. Il y a ce thème dans l'article de Proust, ce thème de l'intoxication littéraire ou de l'intoxication livresque. C'est une expression de Paul Bourget dans les essais de psychologie contemporaine. C'est une crainte de la démocratisation de la lecture. Les masses qui se mettent à lire et qui ne sont pas prêtes et que cela pervertit. Proust écrit en 1902 à l'un de ses amis « Raskin m'a intoxiqué ». Il sait bien qu'on peut être intoxiqué par la littérature et vous vous souvenez que l'intoxication, c'est l'une des spécialités de Cotard en médecine. Il y a une grande richesse de ce thème de l'intoxication à la fin du XIXe siècle, à l'époque de Proust. Trois dangers, donc. Trois perversions de la lecture selon Proust, trois contresens sur la lecture, et je leur donnerai les noms d'imitation, d'érudition et d'idolâtrie. La première de ces erreurs sur la lecture, eh bien Proust nous la décrit en nous révélant enfin quelle était cette lecture d'enfant à laquelle il ne faisait pas tellement attention, en tout cas dont il se souvient moins que de ce qui l'environnait, c'était le capitaine Fracasse. Ce capitaine Fracasse dont vous vous rappelez la polémique de Faguet que je citais il y a quelques séances, Faguet qui condamnait le capitaine Fracasse dans son article sur Balzac. Eh bien, c'est le capitaine Fracasse qui permet de décrire cette première illusion de la lecture et au fond, elle est bénigne, elle est infantine, cette première maladie. On admire l'écrivain qu'on lit quand on est un enfant et on croit en lui. Hors du livre, on voudrait le rencontrer, on désire, dit Proust, avoir son avis sur toute chose, vivre avec lui comme s'il détenait la vérité, et on l'imite, on le copie. C'est ce qui arrive avec Bergotte dans Combray. J'aurais voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toute chose, sur tout, sur celle que j'aurais l'occasion de voir moi-même, etc., etc. Cette idée qu'on ne peut pas vivre sans tout référer à l'auteur dont on est enthousiaste, on est en somme aliéné, on n'a pas de pensée propre, et c'est au fond une erreur, je dirais encore candide, ingénue, de l'enfant qui prend l'écrivain aimé comme guide spirituel. C'est l'enthousiasme du prosélyte. Or, dit Proust, la lecture doit être simplement une ouverture, une incitation et non une conclusion. On ne doit pas chercher dans les livres des réponses. Il y a une seule exception, nous dit-il, où la lecture peut servir de discipline. Vous voyez, il condamne cette lecture comme discipline, c'est-à-dire au sens de direction morale, de règles de conduite, sauf dans un cas, dans les cas de dépression spirituelle. Lorsqu'on est malade de la volonté, eh bien, pour se réparer, il faut lire. La deuxième erreur, la deuxième perversion de la lecture, eh bien, c'est la nôtre. C'est l'érudition. C'est le travers des universitaires. C'est la bibliomanie de l'historien. C'est l'antiquariat de l'archiviste. C'est la philologie de Sainte-Beuve. C'est la passion du petit fait qui est pris pour la vérité. Les notes, tout ça. Et Proust dit, la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres, comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. Cette erreur, c'est celle de la lecture des détectives, des policiers, des limiers. C'est la recherche de l'archive et du dépôt. C'est l'idée que la vérité, c'est quelques documents secrets, quelques correspondances inédites, des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que si pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, et que le mot matériel revient toujours, hein, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Chercher la vérité dans les archives et les bibliothèques, c'est un divertissement pascalien. Et voyez que Proust a très peu de respect pour l'archive, pour la recherche en bibliothèque, pour la quête des sources. Il n'est pas du tout séduit par ce côté policier de la littérature. Il décrit une expédition très compliquée en coche d'eau vers un couvent de Hollande. La conquête de la vérité, dit-il, est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique où n'ont manqué ni les difficultés du voyage, ni les hasards de la négociation. La vérité que, pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note. Avis à tous ceux qui copient dans les bibliothèques et les archives, cette hostilité précoce de Proust à l'affiche. Sainte-Beuve n'intervient que dans les notes, mais elles sont essentielles et elles sont relatives à ces trois travers de la lecture. Quant au troisième travers, eh bien nous le connaissons bien, c'est l'idolâtrie du lettré. La philologie reste moins dangereuse que ce troisième contresens sur la lecture, cette conception de la vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que nous remet en main propre celui qui la détenait matériellement, encore une fois, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laissait copier sur un carnet. Cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. La plus dangereuse, c'est le littéralisme de l'idolâtre. Car, comme on sait, la lettre tue. Alors ce procès de l'idolâtrie du lettré, Proust l'avait déjà intenté dans la préface de la Bible d'Amiens, dans la quatrième partie, qui est un post-scriptum, au moment où il s'était détaché de Ruskin et il parlait de ce péché d'idolâtrie de Ruskin. La définition la plus connue de Proust de ce péché d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie d'Oscar Wilde. C'est l'esthétisme qui confond la vie avec l'art, et Oscar Wilde, à qui la vie devait hélas apprendre plus tard qu'il est de plus poignante douleur que celle que nous donnent les livres, disait dans sa première époque, le plus grand chagrin de ma vie, la mort de Lucien de Rubempré dans Splendeur et misère des courtisanes. L'idolâtrie de Wilde, détrompé par ce qu'il connaîtra plus tard dans la vie. Mais vous voyez que ça nous renvoie à ce premier lecteur enfant, ce lecteur enfant qui a du mal à terminer les livres, qui ralentit son rythme dans les dernières pages, qui veut que le livre ne se termine jamais parce que les personnages disparaissent pour toujours. Alors cette idolâtrie, bien sûr, ça sera le travers de Swann, de Charlus, dans La Recherche, elle reviendra un peu partout. Cette confusion de l'art et de la vie, Proust dit ici, pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile qu'il adore pour elle-même. Plus bas, il parle de ce respect fétichiste pour les livres, et plus bas, il parle de cette maladie littéraire, entre guillemets, la maladie littéraire de l'idolâtrie, qui peut affecter même les esprits supérieurs, même les plus grands, dont Ruskin, par conséquent, auquel Proust oppose Hugo ou Maeterlinck, qui est pour nous le contraire du lettré. Et le lettré, entendons-le, pour Proust, le lettré, c'est le littéraliste, celui qui confond la lettre et l'esprit. Maeterlinck est pour nous le contraire du lettré, autrement dit, il est l'essayiste. C'est l'essayiste qui est le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert. L'ouverture d'esprit de l'essayiste aux mille émotions anonymes communiquées par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie, quand il nous décrit en amateur les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus. Voyez, avec l'érudition, il faut se comporter en amateur et non en philologue. L'amateur, c'est l'essayiste, et il cite ici le double jardin. Il s'agit donc d'échapper dans la lecture à ces trois erreurs: imitation, érudition, idolâtrie, toutes trois assimilées à la mondanité et à l'amitié. Ce sont différentes versions de l'amitié, puisqu'elles ne considèrent pas que la lecture est solitaire. Et l'écriture est solitaire comme quête de vérité. Ainsi, je voudrais, mais il faudra que je le remette ça à plus tard, m'intéresser encore dans ce texte à la présence de Sainte-Beuve, puisqu'il s'agit aussi de parler de Sainte-Beuve. Il n'est question de Sainte-Beuve que dans les notes, de manière tout à fait essentielle. Une note porte sur le temps de l'imparfait et la mélancolie qui y est associée. Une note porte sur la maladie de la volonté et le personnage de Fontane qui l'incarne. Une note porte sur l'érudition, la philologie de Sainte-Beuve qui court à la recherche d'archives. Et une note porte enfin sur ce qui est l'article principal du procès contre Sainte-Beuve, la méconnaissance des écrivains de son temps. Et avec ces quatre notes, eh bien, on a à peu près toute la théorie proustienne qui ira jusqu'aux articles des années de l'après-guerre, aux grands articles de l'après-guerre. Il me semble donc que sur la lecture est bien un petit essai. On y trouve toutes ces données qui permettent de le définir ainsi. Première personne, souvenir qui précède l'argumentation, la structure est celle de la première partie personnelle suivie d'une seconde partie théorique, cette structure que l'on retrouvera dans le Contre Sainte-Beuve et dans la recherche. Et au fond, comme je le soulignais il y a un moment, avant la mort de Madame Proust, avant le deuil, tout était déjà en place. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, Proust essayiste, aujourd'hui sur la lecture. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours. Antoine Compagnon a publié Proust entre deux siècles au Seuil en 2013. Réalisation Anne de Pelchin. Présentation et coordination Meryl Moneghetti. La semaine prochaine, Antoine Compagnon questionnera avec Proust les dangers du journalisme comme essayisme. Et dans quelques instants, nous retrouvons une histoire particulière. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.